بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. En vérité, c'est celui qui te hait qui restera sans postérité.